Ne pas baisser la garde à l'égard des plans, donc le plan éthérique et aussi astral. Tous les plans, tous les niveaux de réalité. Et j'ajouterais même la bêtise humaine. Donc, c'est le titre complet pour l'enregistrement du mois de juin de l'année 2022. À l'origine, dans le fond, en réfléchissant, j'avais pensé, en l'exprimant en termes de jeu, en réfléchissant, de ne pas baisser la garde devant l'astral, puis en préparation à l'enregistrement, je commençais à le parler à voix haute, puis non, c'est pas juste l'astral, c'est tous les plans qui nous manipulent. Donc, faut pas baisser la garde par rapport à aucun plan qui existe. Et aujourd'hui, j'étais dans une vibration de la combativité, j'étais dans un état de colère mentale, et tout cet état est en relation, en fait, avec un état de contrariété extrêmement grand qui a émergé en moi suite à une indigestion que j'ai connue. Donc, il y a 2 jours environ. Et cet état d'indigestion, eh bien, dans le fond, je l'ai probablement vécu parce que j'ai baissé la garde. C'est-à-dire, j'ai été à un restaurant alors que la température était chaude. J'ai mangé un sous-marin avec la mayonnaise. Et puis, ça faisait un bout de temps qu'en tant que non éjecté adéquatement, je n'avais pas le droit d'aller manger au restaurant. Et j'étais content. J'ai dit, on est rendu l'été 2022. Les mesures sanitaires sont tombées au Québec. On peut en profiter pour aller au restaurant. La vie est en train de reprendre la normale. Et puis, j'étais dans une forme de légèreté. J'étais un peu mou en tant qu'ego. J'étais pas aux aguets. J'étais pas vraiment vigilant. Puis, c'est ça. Et puis, je veux pas 36 000 plaisirs de vie non plus. Fait que j'ai dit, je vais aller. J'ai dû en profiter pour aller manger au restaurant avec ma compagne, étant donné que là, j'ai plus besoin d'avoir un passeport. Et j'ai été au restaurant. Et c'est ça, j'ai pas été... En même temps, est-ce qu'on peut être vigilant par rapport à tout? La réponse, c'est non. Donc, est-ce que j'aime me sentir coupable d'avoir pas pensé que je pourrais m'être contaminé sur le plan alimentaire? La réponse, c'est non. Est-ce que les plans m'ont manipulé par rapport à ça? La réponse, c'est oui, parce que l'idée d'aller au restaurant, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, m'a été infusée dans le mental. Donc, il y a une programmation derrière ça. Et ma vibration de contestation, parce que j'ai vécu un état d'indigestion qui m'a donné le goût de vomir pendant plusieurs heures. Et ça a été un supplice qui a été lourd à soutenir dans le sens que dans le passé, j'ai déjà fait des indigestions, sauf que j'avais envie de vomir. Puis je vomissais au complet où c'était question d'une ou deux heures, puis c'était fini. Ensuite, je passais à autre chose. Mon estomac était vidé de qu'est-ce qu'il avait ingurgité. Tandis que là, pendant plusieurs heures consécutives, près d'une demi-journée, je sciais entre un moment donné l'envie de déglutition, de vomir. Et là, je me mettais à courir pour aller aux toilettes, puis j'ouvrais la bouche, puis il y avait un réflexe automatique qui était occasionné. Puis là, je me mettais dans mon cas, le plus que j'ai vomi, ça a été de la bile. J'ai pas vomi qu'est-ce que j'avais mangé. Et par la suite, j'avais des ballonnements. Et puis par la suite, c'est ça, je poussais à un moment donné pour que ça sorte, puis ça sortait pas. Et après ça, je retournais me reposer un peu. J'étais tout en sueur. J'étais dans un état de transpiration importante. Et c'est un état extrêmement désagréable. Puis par la suite, dans le fond, quelques heures après, encore le même manège. Ça a duré plusieurs heures. Et j'ai bu de l'eau chaude. Puis finalement, j'ai fini par digérer. Sauf que c'est un état qui m'a extrêmement contrarié. Et c'est un état que j'ai vécu qui est désagréable. Puis depuis que j'ai vécu ça, premièrement, ça a changé mon timbre de voix parce que force de forcer pour vomir, ma voix était pas mal changée, là, hier en particulier. Je suis en état de contestation par rapport aux plans qui m'ont amené à vivre cette expérience-là. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, ils t'ont amené, ça veut pas dire qu'ils avaient l'intention que tu tombes malade. Mais en même temps, il y a un adage qui dit qu'il dit mot conscient. C'est-à-dire, si on part du principe que tout est programmé, tout est vu, tout est su, bon, ben si la nourriture avait le potentiel de me contaminer et je n'ai pas eu, au moment d'absorber la nourriture, la pensée dans le mental de ne pas la manger parce que par la suite, je vais faire une indigestion, eh bien, je n'ai d'autre choix que d'en convenir que finalement, on m'a laissé vivre l'indigestion. Puis, si je pose la question au plan de la lumière présentement, est-ce qu'on m'a laissé vivre l'indigestion? La réponse, c'est oui. Et ce que ça me dit, c'est que c'est intéressant de vous regarder vivre les digestions parce que ça vous a amené à confronter certaines peurs que vous aviez. Et ça vous a amené à vous densifier dans la matière. Arrêtez de flotter spirituellement, ça vous a sorti d'une forme de naïveté que vous pouviez avoir. Ça m'a aidé à me densifier pour là être capable de véhiculer une vibration qui est un peu plus intense, j'ai un petit peu plus de feu, j'ai la mèche plus courte aussi. Je ne sais pas si c'est une tendance qui va se maintenir, mais je vous dirais là, récemment, il y a quelques heures, là, il y a quelqu'un sur Facebook, la personne elle m'a partagé, des fois les gens en privé me partagent là, des liens pour aller voir des articles ou des vidéos. Là, la personne partage un lien pour aller voir une vidéo. Je clique sur le lien, j'aboutis sur une page. Puis là, ça m'indique, une chance que j'ai un logiciel antivirus, que le lien comporte un virus. Donc, le lien est bloqué par mon antivirus. J'avertis la personne. Puis là, la personne, elle me dit, « Ah, ben c'est mon neveu qui m'a partagé ça, puis moi, je t'ai partagé ça. » La personne, ça fait un certain temps là, qu'elle m'écrit. Je nommerai pas son nom ici. Mon but, c'est pas de faire une attaque personnelle. Par contre, le point, c'est qu'en plus, une personne s'intéresse à la conscience depuis des années. Si la personne qui crie, ça s'intéresse à la conscience depuis des années, puis elle me partage un lien que quelqu'un d'autre qui a partagé comme ça, elle est naïve. Elle a pas compris le principe de pas croire. Ça, c'est clair. Non, il y a de la naïveté ici, ou c'est quelqu'un qui a pris le contrôle de son profil et qui partage des liens dans l'optique de parasiter tous ses contacts. C'est une autre possibilité, mais dans les deux cas, la personne mérite d'être bloquée, puis je l'ai bloquée. À l'origine, je suis dans un mouvement spirituel pour dire « Ah, je comprends, ça arrive à tout le monde de faire une erreur. » Puis là, par la suite, je me suis ravisé « Non, bloqué. » Si c'est quelqu'un qui a pris contrôle de son compte, il mérite d'être bloqué. Puis si ça fait plusieurs années qu'elle s'intéresse à conscience, puis elle n'a pas intégré le principe à cet état-ci d'y pas croire, ben on oublie ça. Cette personne-là, j'ai pas été en contact avec elle. Donc ça s'arrête là. Ce qui m'est venu en tête. L'une des raisons pourquoi que je fais l'enregistrement, c'est que c'est à travers les chocs de vie que les gens vont monter en lucidité et qui vont se sortir de l'ignorance. Pour, dans le fond, être dans un état... C'est plate à dire, j'aime pas ça dire ça parce que ça fait paranoïaque. Dans le fond, on est dans un monde où on peut être attaqué sur tous les plans. Puis, dans le fond, pour faire face à ça, il faut être dans un état d'hypervigilance. Ce que vous voulez que je vous dise. Parce que l'astral, le plan mental, moindrement qu'on est naïf ou moindrement, dans le fond, que l'image qui me vient, ça vient un peu d'étendre l'atmosphère, mais c'est un petit peu la blague, là. Faites attention quand vous vous penchez parce qu'il y en a qui s'en profitent, qui vont s'en profiter. Qui peuvent en profiter. Donc, pour vous fourrer. C'est sûr que là, je pensais à la blague de l'agent fait la farce 33 et un tiers où l'agent de police va en prison. Puis à un moment donné, quelqu'un envoie un savon par terre dans l'optique qu'il se penche pour le ramasser. Et lui, il y a une ceinture de chasteté pour pas, dans le fond, qu'il soit sodomisé. Donc, Mais là, bon, ça détend un peu l'atmosphère, mais je veux garder dans la vibration de la contestation ici, parce que la contestation est légitime. Et le message que je veux envoyer au plan, c'est que je suis écœuré, je veux plus vivre d'indigestion de ma vie, je suis tanné. Ça a été une mauvaise période. En plus, j'étais chez mes beaux-parents quand que j'ai vécu l'indigestion. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'ego, ça me faisait pas plaisir naturellement. Qui me voit là être tout le temps sur le point de vomir avec le bol à côté de moi, puis tout en sueur. Bon, ça, c'est, on peut dire que c'est de l'esthétique. C'est secondaire. Le principal là-dedans, c'est des expériences chiantes comme ça. Mais ça a changé ma vibration. Ça m'a rendu moins naïf. Et, tu sais, c'est parce que je pensais, entre autres, tu sais, je suis en contact avec Berthold. Et la semaine passée, lui, il y a quelqu'un qui, dans le fond, a détruit son jardin. Il a passé la tondeuse dedans. Et c'est sûr que probablement que la personne qui a fait ça, elle n'a pas été à l'écoute de sa sensibilité. Et c'est sûr que le point que je veux faire, c'est que ce soit l'astral ou l'esprit, comment dire, faut pas baisser la garde, faut pas et moindrement qu'on a un bout de terrain sur lequel on peut ambitionner ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que ça peut arriver. Donc, on est dans une période en passant, que ce soit l'esprit ou le plan astral, ben, premièrement, ils sont en guerre présentement, puis ils peuvent chercher à manipuler l'être humain. Et c'est en vivant des chocs de vie, des pertes à différents niveaux, des contrariétés à de différentes envergures, que l'être humain, c'est sûr, va apprendre le détachement par rapport à la forme. Va apprendre aussi à réaliser que tous les éléments au niveau de la forme peuvent être des éléments par rapport à l'astral où l'esprit peut utiliser ces éléments-là pour le manipuler. L'amener à un état de réactivité émotionnelle, un état de contestation dans certains cas vibratoires, un état d'altération psychique. Et en réalité, par rapport à la conscience, on pourrait faire 20 000 enregistrements, mais c'est pas ça qui va changer le monde. Et en général, ça les intéresse pas, les gens. Ça fait des années que je fais des enregistrements, puis les gens qui vont écouter des enregistrements que je produis au fil des mois, vous le voyez, il y a quelques centaines d'individus qui s'intéressent. Fondamentalement, ce que j'ai eu à réaliser, c'est que ces enregistrements-là, je les réalisais pour mon intégration vibratoire personnelle. Et ma capacité à me définir vibratoirement, fondamentalement, c'est pas avec ces enregistrements-là que présentement, je suis pas devenu millionnaire avec ça, là. Je suis pas comme un musicien qui va faire des albums, puis il va en vendre des millions, puis il va avoir un chiffre d'affaires de plusieurs millions par année. Donc, ce n'est pas mon cas. Bon, s'il y a des gens qui ont fait des contributions financières au fil des ans, ben, je vous remercie sincèrement du soutien à mes activités de diffusion web, et en passant, c'est encore le temps pour me faire des contributions financières si ça vous intéresse. Vous allez avoir les informations en bas à ce sujet, en bas de l'enregistrement présent. Pourquoi? Ben, parce qu'il y en a qui apprécient. C'est pendant que je suis vivant que c'est le temps. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook par rapport à Marc de la Salle qui est décédé et la personne voulait... que j'interprète la pensée. Elle me posait une question, Marc de la Salle, en tel enregistrement, qu'est-ce qu'il veut dire? Et là, je suis monté dans un état de colère. J'ai pas répondu, parce que je voulais pas être bête. Mais mon principe de la colère, c'est que là, il y a des gens qui découvrent de Marc de la Salle, ils commencent à s'intéresser à leur matériel, à son matériel, pardon. C'est un individu. Et moi, c'est sûr que ça m'intéresse pas en passant s'il y a des gens qui m'écoutent à jouer à l'interprète de Marc de la Salle ou d'autres personnes dans le domaine de la conscience. S'il y a des gens qui me posent des questions, c'est par rapport à ce que moi je véhicule ou comment que moi j'ai agi avec une personne que j'interviewe par rapport à l'instruction d'une autre personne, posez-lui la question. Par contre, ce qui est de mes affaires, c'est ma parole à moi. Si vous trouvez qu'elle manque d'ajustement, dites-moi-le. Si vous avez des critiques constructives, dites-moi-le. Et moi, dans le fond, par rapport à ça, ça va m'intéresser de répondre. Et j'avais déjà fait, dans le fond, un enregistrement il y a plusieurs semaines, et là, je le réactualise. Et c'est ça, de toute façon, si la personne s'intéresse vraiment à mes enregistrements, à un moment donné, elle va tomber sur un enregistrement où ce que j'explique par rapport aux autres personnes que j'interview, notre soit Marc de la Salle ou d'autres personnes. Si vous avez des questions par rapport à ces autres personnes interviewées, posez-leur directement la question, pas à moi. Par contre, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à véhiculer un message par rapport à ce que moi je diffuse, ben ça m'intéresse parce que ça peut participer à mon développement, m'amener à faire des prises de conscience. Et comme le disait Bernard de Montréal, on n'est pas intelligent tout seul et les autres peuvent nous aider à avoir nos angles morts. Donc, chose qui est très louable. Mais non, les intermédiaires... Moi, je suis le disciple de personne. Et je suis dans un esprit de contestation, de remise en question de tous les plans qui existent. Le plan astral, le plan mental, ce que certains vont appeler le surmental. On peut en mettre des catégories. On peut en mettre toutes les réalités invisibles. Puis, j'ai un esprit critique aussi par rapport aux politiciens. Donc... je suis extrêmement critique par rapport à François Legault et le gouvernement de la CAQ au Québec. Et c'est pas parce que là, quelques mois avant les élections provinciales, qu'on nous fait goûter à de la liberté. Et moi-même, au niveau de l'âme, j'ai vécu momentanément une forme d'euphorie il y a quelques jours, dans le sens que « Ah, je peux aller au cinéma, j'étais content, j'avais été voir au cinéma le film Jurassic World Domination en anglais, en québécois. » Monde Jurassique, La Domination. Ça, c'est le titre québécois. Donc, un film de science-fiction qui met en scène des dinosaures. Et parce que, en tant qu'être non injecté pendant la crise, je n'avais pas le droit d'aller au cinéma ici au Québec. Je n'avais pas le droit non plus d'aller au restaurant. Là, on donne un peu plus de liberté. Donc, j'en ai profité pour aller au cinéma, aller au restaurant. Là, je commençais à retrouver le mode de vie d'avant-crise, où une fois de temps en temps, je pouvais sortir. Et c'est sûr que là, il a fallu que je fasse l'indigestion au restaurant. Donc là, c'est sûr que là, ça m'a ramené sur les gardes. Et il faut pas être naïf, hein. C'est pas parce qu'on retrouve momentanément nos libertés cet été que des mesures de contrôle plus grandes encore pour être mis de l'avant par la CAQ une fois réélu à l'automne 2022. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le gouvernement est réélu, surtout si c'est un gouvernement majoritaire, au moment où on se parle, la CAQ domine dans les sondages, eh bien, il est possible que le gouvernement mette en place des mesures qui sont extrêmement impopulaires en début de mandat. Pourquoi? Parce que les gens ne voteront pas dans les premiers mots qui est au pouvoir. Ça va aller seulement 4 ans après. Donc, toutes les mesures impopulaires, comme par exemple des coupures de budget dans les services sociaux, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, toutes ces choses-là, actuellement, ce gouvernement veut en faire. C'est en début de mandat, parce que lorsqu'il est proche du renouvellement, du moment du renouvellement du mandat, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il promet des bonbons électoraux. On va investir pour développer le réseau de la santé. On va faire ci, on va faire ça. Dans certains cas, il y a des choses concrètes qui sont faites là, lorsque le gouvernement est sur le bord d'être réélu pour présenter une ou deux réalisations, en disant « Ah, sous mon règne, on a refait tel hôpital, on a refait ci, on a refait ça », pour mettre la candidature en valeur, puis dire « Ah, ils vont en avoir encore plus si je suis au pouvoir ». Donc ça, c'est une stratégie électoraliste. Donc, faire miroiter le meilleur lorsque le gouvernement est élu, alors que stratégiquement, une fois élu, ce qui a intérêt à faire, c'est faire passer les mesures impopulaires et par la suite, quand il est sur le bord de réélu, faire miroiter des choses qui font plaisir aux citoyens. Et dans certains cas, ben, c'est sûr que d'une élection à l'autre, on fait miroiter des choses qui ne s'actualisent pas, comme par exemple l'accès à tous les citoyens du Québec à un médecin de famille. Donc, Ça s'est pas actualisé dans les dernières années. Là, ici, mon objectif, c'est pas de faire de la politique, mais c'est d'inviter les gens à être vigilants par rapport à nos gouvernants. Et peut-être que présentement, l'élite mondialiste amène à relâcher la soupape des gens pendant l'été face aux mesures de contrôle, et qu'à l'automne, une reprise des mesures de contrôle va revenir, et avec d'autres mesures, et avec la possibilité de la menace de plusieurs pandémies simultanément. Donc, dossier à suivre à ce sujet. Mais sinon, en fait, aujourd'hui, je t'écœurais des gens spirituels, des gens qui sont naïfs, des gens qui veulent être des disciples. Si vous voulez être disciple de quelqu'un, Christ, puis baiser les pieds, puis étudier sa parole comme si c'était les Saintes Écritures, ça m'intéresse pas, des gens comme ça. Donc, si vous êtes des lèche-bottes, là, puis vous voulez tout étudier les enregistrements de Marc de la Salle, puis vous voulez être accompagné là-dedans, par un directeur de conscience, comme autrefois, il y a des gens qui se réunissaient pour étudier la Bible ensemble. Si vous voulez faire ça, venez pas me voir. Étudier ma parole dans le moment présent, ça m'intéresse. Et c'est sûr que, dans le fond, le point que je veux faire, c'est qu'il faut intégrer son autonomie de conscience. Et c'est ça qui va rendre l'homme réellement libre. Et pour intégrer l'autonomie de conscience, ce qui m'est venu aujourd'hui, là, c'est que les gens, il faut qu'ils souffrent. Moi, il a fallu que je sois sur le bord de vomir, tabarnak, il y a deux jours, là, ça a été extrêmement pénible. Hier, j'avais de la difficulté au niveau de la voix. Là, la voix est un petit peu plus replacée, mais je restais avec un état de colère. Parce que, à quelque part, je suis écœuré de l'expérientiel oppositionnel, puis il faut que je monte tout le temps en puissance, en contestation par rapport à l'esprit puis l'astral, puis de vivre des souffrances comme ça m'amène à monter en rapport de force, puis de percevoir des choses que je percevais pas. Et aussi d'être moins dans la naïveté. Là, je suis plus à fleur de peau, puis il y a des gens spirituels alentour de moi. En fait, le ménage était déjà commencé depuis plusieurs mois. Et là, comme je l'ai dit, la personne... Dans le fond, il y a plusieurs mois, la personne qui m'a renvoyé un lien avec un virus, probablement que j'ai dit « prochaine fois, fais attention », tandis que là, je l'ai bloqué. J'ai écrit un message pour que j'ai dit « je l'ai bloqué ». Puis, je me suis dit « si la personne avait vraiment été abonnée à moi, elle va faire comme l'autre que j'avais bloqué, parce qu'il y a des gens qui me trollent, c'est-à-dire que c'est des vrais parasites alentour de moi. Il y en a une qui n'aime pas ce que je fais, elle m'envoie des messages, etc. Puis par la suite, je la bloque. Ensuite, je reconnais la personne parce que c'est le même style d'écriture, je suis obligé de leur bloquer. Puis là, probablement qu'elle va apparaître sur un autre nom, puis je vais leur bloquer. Puis l'autre personne, c'est vraiment intéressant, elle dépensera de l'énergie pour créer plein de profils, puis je la bloquerai, advenant le cas. Sinon, en fait, je vois plus clair par rapport à certaines situations. Et moi, ce que j'ai à intégrer, c'est une plus grande intransigeance par rapport à certaines personnes. Dans le sens que y a une personne qui est revenue vers moi dans un esprit spirituel. J'ai dit « Ah, ben oui, je vais laisser la chance au coureur », alors qu'intérieurement, la réponse, c'est non. Et là, la personne, quand que je vais leur parler, je vais être obligé de dire, puis ça ne fait pas plaisir, puis j'aime pas ça en tant qu'ego de décevoir. Ça, c'est un petit peu ma spiritualité. Puis de faire vivre une forme de rejet, mais c'est nécessaire. Il y a trop un différentiel énergétique entre moi et cette personne-là que non, je ne suis pas intéressé à la revoir en personne. Il y a d'autres personnes aussi. Des fois, je me dis, je peux pas être trop sec. Il y a des gens, j'ai dit, vous me recontacterez, puis je vais voir si j'ai la vibration. Là, la personne, j'ai reflété qu'elle avait un potentiel, fait qu'elle était comme content, mais c'est pas parce que je reflète que t'as un potentiel au niveau de la parole que ça veut dire que j'ai nécessairement à parler avec elle pour l'accompagner dans un développement à court terme. En fait, ce qui se dit pas, j'ai le goût de le dire ici, parce que j'ai dit au fil des ans à plusieurs personnes qui me demandaient de discuter avec moi, soit en privé, ou même de réaliser un enregistrement sous forme entrevue avec eux. Moi, ce que je répondais poliment, j'ai pas la vibration. Vous pouvez me recontacter dans quelques mois, puis je vais vérifier si j'ai la vibration. C'est une réponse politiquement correcte. Ça me donnait non plus être pas trop strict ou dans l'intransigeance. Mais dans certains cas, la vraie réponse pour ces personnes-là que j'avais à leur dire, puis encore là, tu sais, au niveau humain, j'essaie de pas blesser les gens, mais la vraie réponse, c'est ceci. C'est, dans les derniers mois, j'ai fait comme erreur de mettre des enregistrements en lien où ce que je valorisais beaucoup la méditation, la bénédiction, puis il y avait une couleur spirituelle. Et là, avec la conscience que j'ai, c'est plus en affinité avec moi. Fait que là, les gens, quand ils m'ont connu ce joug-là, puis les gens vivent à la spiritualité, ben, ils se sont sentis sur la même longueur d'onde, puis ils voulaient me parler, puis c'est normal. Sauf que c'était pas pertinent par rapport à moi, parce que si j'aurais parlé avec eux, je m'aurais maintenu dans une forme de spiritualité, puis ça aurait créé un renforcement lié à de l'attachement à des formes spirituelles, méditation, prière, ainsi de suite, alors qu'il fallait que je me sorte de ça. Donc, à ce moment-là, c'est intelligent que je sois pas en contact avec ces personnes-là. Mais ce que j'ai à dire, puis vous voyez, je tourne un petit peu en rond, c'est qu'il faut que je dise, je sais pas si je vais le faire, parce que je trouve ça pas évident, mais la vérité, c'est qu'il faudrait que je dise à la personne, tant que t'auras pas mangé de la marde, c'est ça, suffisamment pour connaître une altération de ton taux vibratoire en lien avec un choc de vie, style dépression, style quelqu'un proche de toi, comme ta compagne ou tes enfants se suicident, ou tout le monde se tue alentour de toi, mais toi, t'es encore intact sur le plan psychique, où tu passes à travers une dépression majeure, où tu tombes atteint d'un cancer, puis finalement, tu as une rémission, où tu perds ta maison, Chris, parce qu'elle passe en feu, où tous tes enfants se suicident en même temps, puis tu survis par rapport à ça, en dépit du choc. Ben là, si tu vis une forme de négativité comme ça, puis tu te suicides pas, là, ça devient intéressant pour moi d'entrer en contact avec toi, parce que tu auras la capacité de contenir une forte densité d'une énergie adverse. Et l'esprit, c'est de l'énergie adverse. L'esprit, c'est pas un bisounours, c'est pas un calinours. L'esprit, c'est une énergie qui va chercher à réajuster l'ego. Surtout si l'ego est très spiritualisé, puis il est très mou. Il est très dans l'admiration pour les anges, la conscience. Il est très spirituel. L'esprit va dire « Réveille-toi !» Il va être de même, l'esprit. Puis l'esprit, il peut monter en colère, puis dire, il peut regarder, comme cette année, j'en ai pas fait d'enregistrement par rapport à la fête du peuple québécois, donc la Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi? Ben parce que en tant qu'égo, Chris, j'ai honte du peuple québécois. Ça fait au-dessus de 2 ans, on vit les pires mesures, puis la plupart des gens, à part quelques lanceurs d'alerte sur le web, bien, dans le fond, les gens de la population achètent ça, puis en veulent plus du gouvernement de la CAQ qui a mis ça en place. Au fil des derniers sondages, la CAQ est toujours en première intention des intentions de vote. Donc, bon, c'est la volonté populaire de réélire la CAQ, ça appartient aux gens. Par contre, moi, je suis pas d'accord avec toutes ces mesures-là de contrôle, d'infantilisation de la population, de me faire traiter, Chris, comme si j'étais un criminel. Les gens ont la mémoire courte. Et réalisez que sous le règne de la CAQ, depuis 2 ans, il y a eu couvre-feu, comme dans un état policier. Dans le fond, le soir, à partir de 20h, t'as pas le droit de sortir de chez toi. Sans raison, si dans le fond, t'as pas une raison juste. Puis tu peux te faire intercepter par la police, puis avoir une amende de 1 500 $ si tu sors de chez toi. Juste ça, là, sans parler qu'est-ce qui s'est passé avec les résidences de personnes âgées, où il y a des gens qui sont morts dans leurs excréments et qu'il n'y a pas eu d'enquête indépendante, puis le gouvernement en voulait pas, c'est sûr, hein? Non, juste le couvre-feu puis les mesures de contrôle, à un moment donné, il y a des gens, il faut qu'ils allument. Tu sais, si on nous traite comme si on était les membres d'un état policier, à un moment donné, il y a des gens qu'il faut qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et là, on vit ces mesures-là, on ordonne les libertés, puis il y a beaucoup de personnes, c'est comme oublié présentement. Donc, les gens ont la mémoire courte, et c'est sûr que moi, je ne l'ai pas, et je l'aurai encore moins au moment des élections, et je réalise tous les dommages sociaux. J'étais voir un film en passant, Jurassic Park, film que j'ai beaucoup aimé, et il y avait un couple de personnes âgées avec le masque. Ils portaient encore le masque, là, les autres n'avaient pas de masque, puis là, je pense qu'eux autres, ils portaient le masque pour se protéger dans le cinéma. Puis là, la madame âgée, elle prenait du popcorn. Puis le moment qu'elle le mettait dans la bouche, elle enlevait le masque. Puis Une fois qu'il y avait le popcorn dans la bouche, il remettait le masque. Ben voyons donc. Mais les gens sont conditionnés. Et souvent, ce que je vois, c'est des personnes âgées dans des commerces, dans différents lieux, qui portent encore le masque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le masque de procédure ou le masque artisanal sert à protéger les autres de celui qui porte le masque. Donc, c'est pour que celui qui porte le masque ne projette pas des gouttelettes. Donc, c'est ça le principe, là, par rapport à ça. Les gens, il faut qu'ils le comprennent et non pas l'inverse. Donc, c'est ça. Et bon, en tout cas, moi, présentement, je réalise que il y a des choses que je comprenais pas de Bernard de Montréal puis Marc Glassalle, parce qu'il venait souvent en colère puis il était à fleur de peau dans les enregistrements, puis au fil du temps puis des chocs de vie que je vis, ça m'amène à être plus à fleur de peau. Puis c'est sûr que la déspiritualisation, là, c'est comme en mode accéléré, que ça s'intensifie là au fil des dernières semaines, je vous dirais. Je sais pas qu'est-ce qui se prépare pour les prochains mois. Bon, c'est sûr que dans mon cas, dans mon agenda personnel, il est prévu que j'ai un enfant là pour le mois de décembre 2022. Fait que, tu sais, sans mettre de lien avec le collectif, je vais y aller avec ma vie personnelle. C'est sûr que ça serait intelligent qu'au moment où ce que mon enfant va naître, je sois pas gaga dans la spiritualité, puis que je sois solide, que je sois un parent solide, doté d'un centre de gravité de permanent, d'une autonomie psychique, doté d'une conscience qui est libre de la soumission au plan astral et au plan éthérique. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, d'avoir une très grande centricité en prévision de ce moment-là, juste à ce niveau-là, c'est intelligent. Sans parler des événements mondiaux vers lesquels on se dirige. Donc, c'est sûr que le spectre d'une situation de récession, dans le fond, augmente au fil des semaines. Bon, on verra bien qu'est-ce qui arrivera, mais c'est intéressant d'être solide là, par rapport à une situation pareille. Mais en fait, le point que je voulais faire, c'est que j'ai plus à m'affirmer par rapport aux gens de l'environnement. Et là, ça se peut que je le dise à certaines personnes. Écoute, j'ai la vibration, j'essaie d'être poli. Tu sais, moi-même, quand que j'étais dans mon passé, j'aime ça qu'on me parle d'une manière douce. Marc, des fois, il me confrontait. Donc, il me ménageait pas au niveau de la parole. Et j'aimais pas ça, c'est sûr. Des fois, j'aime ça faire plaisir aux gens, mais en réalité, il y a certaines personnes que j'ai pas à leur parler parce que et je serais obligé de les confronter pour les amener dans une vibration plus haute. Et ça m'intéresse pas de jouer ce rôle-là. Dans le fond, dans un monde idéal, c'est que la personne vive ses chocs de vie. Puis quand que le temps va être prêt ou que la personne va être plus densifiée dans la matière, ben on se parlera tout simplement. Mais je l'évalue, je le parle à voix haute devant vous. Tu sais, je regarde, dis à la personne, ben on va attendre que tu vives des chocs de vie pour te densifier davantage dans les prochains mois. Puis si ça arrive, puis t'es capable de triompher des chocs de vie, là tu me recontacteras, puis là ça va être intéressant de parler ensemble. Mais sinon, ta vibration est trop spirituelle. Puis il va falloir que tu te déspiritualises, puis c'est pas moi qui est intéressé à jouer ce rôle-là. Pourquoi? Parce que ça m'amène dans une opposition énergétique avec la personne. Et ça m'intéresse pas de faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec des gens qui sont ajustés vibratoirement et que les événements de la vie s'en chargent. Donc, la personne, si elle est trop dans le pôle positif, elle a à vivre du négatif pour s'ajuster et tout sert. Et moi-même, j'étais en mode de déspiritualisation accélérée. En fait, j'écoutais récemment un enregistrement de Bertold. Je sais pas comment le formuler, puis je veux pas déformer le propos. Mais en tout cas, ce que j'ai cru comprendre de ce qu'il dit, à un moment donné, il dit, de ce que j'ai cru comprendre d'un de ses enregistrements récents, c'est que le parent peut vouloir le bien par rapport à son enfant. Mais dans le fond, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'âme évolue à travers les oppositions et que ça prend des oppositions pour un développement. Et moi, ce que j'ai capté, en fait, c'est que j'avais fait un enregistrement récemment où ce que je disais que, bon, je vais avoir un enfant. Et moi, en tant que parent, ben c'est sûr que je voulais que l'enfant soit heureux, soit en santé, qu'il y ait des conditions propices à son développement. Puis il a fallu que je réalise qu'en effet, si l'enfant, c'est-à-dire l'âme qui est incarnée à travers un corps biologique d'un enfant, vient sur la Terre pour évoluer, pour se développer, ben c'est sûr que à quelque part, il y a des choses à ajuster. Et qui dit ajustement, dit opposition vécue par l'ego. Donc, si j'ai un enfant qui naît dans les prochains mois, est-ce que c'est intelligent qu'il vive des formes d'opposition si c'est nécessaire pour que son ego soit ajusté? Puis qui monte plus loin en intelligence, la réponse c'est oui. Par contre, ce que j'ai à regarder, c'est que moi en tant que parent, c'est sûr que si j'ai un enfant, parce que je le parle au conditionnel, il est pas accordé, ben moi je vais avoir le rôle de facilitateur par rapport au développement de l'enfant. Et que le parent en tant que tel, la façon que le regard que j'ai du parent, c'est que le parent doit pas chercher à créer un surplus de souffrance psychologique inutile par rapport à l'enfant, mais il doit être là pour favoriser son plein développement et sa capacité d'être en puissance. Et la meilleure façon d'aider un enfant à monter en puissance, c'est de donner l'exemple, puis d'être soi-même en puissance, tabarnak, dans sa vie, puis avoir l'audace de la parole. Il y a plein de monde qui sont spiritueux, puis même après 2 ans de pandémie, calice, ils ont toujours les astidieux dans la graisse de bine. J'en vois plein sur Facebook. Je parle pas parce que je cherche pas à faire le trouble. Parce que à ce moment-là, je serais tout le temps en confrontation avec plein de monde, puis ça serait abominable. Et je m'intéresse pas à faire ça. Donc, je veux pas être dans un état d'ajustement perpétuel avec plein de monde, là. Ça m'intéresse pas. Dans le fond, qu'est-ce que vous voulez que... L'ensemble de la société est astralisée. Les gens se font traiter, Chris, comme des criminels. Ils se font traiter comme si il y était des gens qui doivent tout le temps demander la permission pour entrer dans un commerce, faire ci, puis il faut qu'ils présentent leur carte, leur passeport, leur identité. Les gens sont infantilisés, puis dans le fond, comme ils ont peur, ils sont dans la croyance, ben, ils vont accepter des choses que d'autres qui sont plus à fleur de peau, puis qui ont plus un feu psychique, n'acceptent pas. Et n'accepteront jamais. Ce qui est très différent. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte des choses qui sont inacceptables sur le plan humain puis qui nous dominent? Ben, c'est la peur. Et qu'est-ce que j'ai à faire comme égo? Bon, le collectif, il fera ce qu'il veut, il évolue à son rythme et c'est à travers les oppositions. Probablement que quand il y aura plein de monde qui vont se mettre à mourir d'une manière étrange, après avoir pris une certaine substance, à plusieurs doses, peut-être qu'il y a des gens qui vont se réveiller, puis vont se poser des questions. Ou s'il y a plein de monde qui se suicide, ils vont peut-être se poser des questions. Ou plein de monde qui font des faillites, ou plein de monde qui ont des problèmes pour arriver à la fin du mois, ils vont se poser des questions. C'est à travers les chocs. Et les chocs, dans le fond, sont nécessaires à l'évolution. Et tout sert. Quand j'étais spirituel il y a plusieurs années, je me disais, je vais véhiculer de la conscience, comme ça je vais éviter des gens de vivre des chocs dans la matière, puis je vais pouvoir favoriser ce que des gens intègrent des choses en douceur. Et ça marche pas de même. Non, quelqu'un pourrait écouter des milliers d'enregistrements sur la conscience, s'il n'intègre pas sa vie ou les chocs auxquels il est confronté, il va sombrer dans l'astralité pareil. C'est tout. Autrement, puis là, c'est sûr que ça m'amène à réaliser, puis ça me déspiritualise mon rapport aux enregistrements. Quelqu'un qui est spirituel, puis qui peut vivre une forme de contact avec l'esprit, mais il vient d'un état de transition psychique. Il peut être récupéré par un rôle spirituel en lien avec la diffusion web qu'il fait. Puis là, s'imaginer que, il participe à un... Mais non, Chris. Je participe pas à empêcher des gens qui vivent des chocs de vie par rapport à des prises de conscience qui peuvent être véhiculées à travers des enregistrements que je peux faire de manière verbale. Donc, il suffit pas d'écouter les enregistrements. Il faut vivre sa vie Les chocs sont inévitables. Donc, si c'est inévitable qu'une civilisation soit confrontée à son déclin avec des problèmes économiques très grands, avec des pandémies multiples et des gens qui visent à mettre en place une dictature avec des mesures de contrôle, si c'est nécessaire pour que des gens s'éveillent, eh bien, que voulez-vous? C'est nécessaire. Et c'est ainsi. Donc, c'est ça, et c'est la vie. Moi, il a fallu que j'aie le goût de vomir pour changer mon état, puis que je sois plus densifié, parce que sans ça, au moment présent, j'aurais jamais fait un enregistrement avec l'intensité qu'elle a, puis j'aurais été plus mou dans mon enregistrement d'aujourd'hui. Ben, c'était nécessaire que je sois sur le bord de vomir pour être capable de faire l'enregistrement. Et c'est probablement nécessaire que plein de monde vont devoir faire des dépressions majeures pour être capable d'intégrer d'une manière majeure la conscience éthérique qui veut descendre dans leur sein. Donc, c'est ça que je veux dire. Et ce qui est intéressant dans le mouvement d'intégration que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de choses que c'est déspiritualisé. Il y a plein de monde que je suis plus intéressé à parler. Il y a plein d'enregistrements que j'écoute plus là, de certains lanceurs d'alerte sur le web aussi. Trop couleur spirituelle. Ça s'installe par rapport à des événements de vie que je choisis pas, mais qui me modifient. Fait que là, je pars du principe que finalement, on est manipulé constamment par des plans, que ce soit le plan éthérique ou le plan astral, mais le plan éthérique a toujours son dernier mot ou son droit de veto par rapport à l'astral parce que il peut faire interférence avec des programmations astrales parce qu'il y a une dimension créative en lui qui peut l'amener à engendrer des lignes de programmation de plus grande amplitude vibratoire. Donc, ça, c'est la propriété du plan éthérique. Donc, quand que le plan éthérique voudra qu'on ait des dirigeants conscients, ben ils peuvent changer premièrement la conscience des dirigeants. Ensuite, ils peuvent altérer la conscience des électeurs. Ils peuvent altérer la conscience de tout le monde. Ils peuvent nous manipuler tout le temps. Et on va être manipulable par eux tant aussi longtemps que notre conscience n'égalisera pas d'une manière parfaite et absolue la conscience de notre contrepartie cosmique. Et ça risque d'être extrêmement long pour le collectif, surtout que les gens sont même pas conscients de l'existence de l'esprit et que c'est encore voilé et occulte pour plein de monde là, sur la Terre. Mais chaque chose en son temps. Fait que ça va être long par rapport à tout ça. Fait que j'ai aucune attente par rapport à ça. Par contre, ce que j'ai en tant qu'ego, c'est pas me faire chier avec la situation collective ou des parasites psychiques qui peuvent m'entourer. Donc, c'est ça que j'ai à faire, et plus que je vais être intelligent, puis plus que je vais régler les problèmes ou dire ce que j'ai à dire rapidement avec les gens de l'environnement. Donc, j'ai intégré un principe d'affirmation de la parole qui était déjà en voie d'intégration au fil des derniers mois, mais là, ce que je sens, c'est que ça va m'amener à me couper, ouais, c'est ça, de plusieurs personnes liées à l'astral. Donc, faire encore plus de vide. Tu sais, on fait du vide dans du vide, puis de me compter ma conscience tout seul. Et là, le jeu de l'astral ou de l'esprit, ça va être de me regarder pour me voir si je vais être récupéré ou non par le collectif ou manipulable par la peur. Et ainsi de suite. Donc, tant que j'aurais pas fait une indigestion totale, non pas de nourriture, mais de l'astral, ben, à ce moment-là, je peux être encore manipulable. Mais c'est ça, je suis réaligné de manière accélérée par rapport à certaines choses. Si je prends par exemple, dans le fond, j'ai fait un enregistrement récemment par rapport à la question de l'avortement. Et là, ça me faisait penser à la question de la sexualité. Il y a plusieurs années, j'avais écouté des enregistrements là, de philosophes qui parlaient là. Dans le fond, du fait qu'il y avait plusieurs compagnes, des relations sexuelles avec plein de femmes, puis donc il y avait une forme de liberté là, sur le plan de la sexualité, puis ces compagnes pouvaient avoir plusieurs compagnons. Et là, je regardais ça, je dis « Ouais, j'évaluais comme ça pourrait peut-être être intéressant. » Et là, aujourd'hui, avec ma sensibilité, non, pas du tout. J'ai changé. J'ai une curiosité par rapport à ça. Donc, les gens qui ont plusieurs partenaires ou qui ont la liberté sexuelle ou un partenaire, la possibilité d'en avoir d'autres, etc. Et j'ai une curiosité par rapport à tout le phénomène du mouvement polyamoureux. Mais non, j'ai pas la vibration de vivre ça. Puis là, je suis avec ma compagne. Là, c'est sûr que bon, je vais avoir un enfant, fait que là, je suis plus en mode familial. Mais est-ce que, dans le fond, je serais, dans mon cas, capable de soutenir la présence de plusieurs femmes dans mon environnement, sachant qu'à l'époque actuelle, la plupart d'entre nous, on est industrialisés. Fait que là, les gens, ils ont des crises d'égo entre elles, ou entre eux. Ça peut être des hommes aussi, là, tu sais, qu'il y a des femmes qui ont plusieurs hommes. Ou, en tout cas, les gens, ça chicane, là. C'est qui le préféré, c'est qui si... Non, je ne serais pas capable de supporter la présence de plusieurs personnes dans mon environnement. Dans le fond, juste penser comme... c'est correct aussi, tu sais, le philosophe auquel je parle, lui, a plusieurs compagnes, puis il est à l'aise avec... C'est correct, c'est son expérience. Il y en a qui n'ont pas de relations sexuelles, sont à l'aise avec ça. Il y en a qui en ont avec une personne, sont à l'aise avec ça. Puis il y en a qui en ont avec plusieurs personnes, sont à l'aise avec ça. Moi, ce que j'invite les gens, c'est de vivre en fonction de votre sensibilité puis votre vibration. Moi, c'est ça, je ne pourrais pas être en relation avec plusieurs personnes. Là, avoir une dizaine de compagnes, oublie ça. Dans mon cas, parce que leur consacrer du temps régulièrement sur une semaine, puis leur parler, puis ça, il y a trop de dimensions qui me liraient au collectif ou social. J'ai besoin souvent du temps de solitude pour avoir la paix, goûter un petit peu à du vide, à de l'espace d'intériorisation. Puis, dans le fond, ce que je réalise finalement, je suis plutôt de tempérament solitaire. Là, je vais avoir, mais j'ai ma compagne, je vais avoir un enfant, mais j'en veux pas 36, là. Je serais pas capable, comme dans le temps de mon père, eux autres, ils venaient d'une famille de 9 enfants. Pour moi, ça serait trop. Ça me lirait trop collectif. Je trouverais ça trop agressant. Non, ma sensibilité m'amène à me protéger puis à m'exposer moins au public. Et c'est sûr que, présentement, je suis pas sorti publiquement, là, vidéo, dans le sens, je m'affiche pas avec ma face. Puis, j'ai pas l'intention de sortir publiquement vidéo de sitôt. Je suis pas intéressé, Chris, à ce que les gens me reconnaissent sur la rue. Je suis pas intéressé à, tu sais, si je me promène sur la rue ou je suis au restant avec ma compagne, de me faire intercepter par quelqu'un, puis là, la personne, dans un mode plus spirituel, va dire « Ah, j'aime ce que tu fais, blablabla. » Même si c'est des commentaires positifs, je suis pas intéressé. Non, je veux avoir la paix. Quand je me promène sur la rue ou que je suis en vacances. Et dans le fond, le fait que je n'apparais pas en vidéo fait que je ne suis pas achalé par personne quand je me promène sur la rue. Et ça, pour moi, ça a une très grande valeur. D'ailleurs, j'avais déjà écouté un enregistrement par rapport à des artistes, à savoir si les artistes se comportaient d'une manière courtoise lorsque ils étaient confrontés au public dans le quotidien, ou au contraire, ils étaient bêtes avec les membres du public. Et certaines vedettes québécoises, que dans certains cas, ils étaient extrêmement bêtes avec les gens, là. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est pas approprié, là. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui étaient généreux, qui signaient des autographes, qui prenaient plusieurs minutes pour parler. Donc, il y a différents comportements. Et c'est sûr que pour pas avoir à être bête avec les gens, donc le fait que, c'est sûr, je n'apparais pas en vidéo, ben, ça me permet d'avoir la paix. Parce que dans le fond, en réalité, je ne cherche pas à avoir quelqu'un qui est comme un gourou de sec, là, avec des groupies, là, puis plein de monde qui les entoure, puis se faire saluer à tous les jours, à chaque fois qu'il traverse la rue. Non, je veux pas avoir cette dynamique-là avec le public. Je préfère rester anonyme. Donc, c'est ça. Fait que finalement, cette inclinaison-là que j'avais eue dès le départ de mouvement de diffusion de vidéos en lien avec la conscience se maintient dans le temps. C'est sûr qu'on s'entend, si j'apparaîtrais en vidéo, probablement que le nombre de visionnements augmenterait. Est-ce que la qualité du public augmenterait? J'ai des doutes. Parce que souvent, quand les gens écoutent, parce qu'ils voient la personne en vidéo, bon, ben, ça peut être au niveau de la forme. Tu sais, si la personne, on est curieux de voir qu'est-ce qu'elle a l'air, et ainsi de suite. Donc, mais ça peut être à plusieurs niveaux, là. Mais non, j'ai pas l'intention d'aller de l'avant. Mais ma parole, finalement, elle me sert plus. Puis ma vie aussi a des fonctions d'intégration, d'autothérapie. Puis à travers mes enregistrements, ben, j'en fais un témoignage par rapport à ça. Il y a des gens qui peuvent rentrer en résonance maintenant, ou ils vont peut-être vivre des événements dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Ils vont dire, ouais, finalement, être plus à fleur de peau face à de l'opposition qui m'amène à être plus sensible dans le sens d'intégration d'énergie plus dense, qui met en contact avec l'esprit. Ouais, c'est vrai que dans le fond, avec le temps, je vis de plus en plus ça moi aussi. Parce qu'il y a des choses que Marc de la Salle me parlait, là, il y a un peu plus de 9 ans. Et je les comprenais plus ou moins. Puis aujourd'hui, j'y comprends un peu plus. Puis aujourd'hui, quand j'écoute Bernard de Montréal, je comprends un peu plus qu'il vit. Donc l'intégration se fait avec le temps. Puis l'essentiel, c'est pas que je comprenne les autres fondamentalement, mais c'est que je me comprenne moi-même pour que j'intègre ma propre vie. Et j'invite les gens qui visent à intégrer leur propre vie à en faire autant. Et c'est sûr que, en terminant, s'il y a des gens qui apprécient mes enregistrements au fil du temps, eh bien, je vous mentionne que vous êtes les bienvenus pour faire contribution financière via les moyens sécurisés que sont PayPal et également Interac. Donc, vous allez avoir les informations en bas de l'enregistrement à présent. Pourquoi que j'ai décidé, en fait, que les gens puissent faire une contribution financière s'ils le désirent? Parce que plusieurs années, j'ai essayé de vendre des enregistrements avec Marc Lassalle. Des fois, on en vendait deux, trois! Chris, trois, là, c'était beaucoup. On n'en vendait pas beaucoup, là. On n'a jamais vendu des centaines d'enregistrements, là. Non, ça se vendait pas vraiment. Puis là, de s'occuper de faire la vente de l'enregistrement, ça demandait de l'énergie. Tu sais, faut prendre l'enregistrement, l'envoyer par courriel à la personne qui l'achète, ensuite encaisser le paiement de l'argent, le prendre en note dans un fichier. Toutes ces étapes-là me demandaient de l'énergie au niveau de l'intellect. Et comme il y avait peu, beaucoup de volume, on en vend deux ou trois. Finalement, ce que j'ai trouvé plus avantageux, ben, je donne tous les enregistrements gratuitement présentement. Par contre, je dis aux gens, si vous voulez faire contribution financière, vous êtes les bienvenus pour le faire. Et finalement, ben, j'ai eu des gens qui m'ont fait des contributions et je vous remercie sincèrement si vous m'écoutez présentement. Puis finalement, ben, je trouve que c'est plus payant les contributions financières sur une base volontaire que de vendre des enregistrements. Puis c'est moins de taponnage, c'est moins de perte d'énergie de gérer de la paperasse, des documents, puis là, de mettre le document en pièce jointe, du fichier. Parce que dans le fond, c'était un cercle vicieux, il n'y avait pas assez de ventes. Pour, dans le fond, programmer un site web pour que les achats se fassent de manière automatisée. T'sais, ça sert à rien de payer un programmeur informatique si, dans le fond, tu en vends juste 2-3 par enregistrement produit, ce qui est totalement illogique, de mon point de vue, dans une perspective purement financière, mercantile. Donc, c'est sûr que je les vends pas, les enregistrements. C'est ça. Marc de la Salle. Il a essayé de vendre des enregistrements pendant toute sa vie, puis finalement, de ce que je comprends, il a jamais été capable d'en vivre décemment. Et il y a des raisons derrière ça. Bon, c'est sûr qu'il y a sa vie, il y a sa programmation qu'il avait à vivre. Bon, je ne ferai pas d'enregistrement pour aborder là, la question des raisons derrière son vécu. Bon, mais je veux plus concentrer mon énergie sur ma vie, puis c'est sûr que les gens, idéalement, c'est pas d'enquêter sur la vie des autres puis passer trop d'énergie, mais occupez-vous d'étudier votre propre vie d'abord. Tu sais, je regarde ça, en 2022, il y a encore des gens qui sont curieux pour savoir, là, c'est qui, là, qui a été le tueur de John F. Kennedy, l'ancien président des États-Unis qui est mort? Et moi, par rapport à ça, parce que je vais regarder des vidéos, puis une fois de temps en temps, c'est un sujet qui revient. Moi, c'est Chris, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer d'être vivant psychiquement, donc dans ma vie. Pas c'est qui a tué qui, là, dans un lointain passé. Surtout qu'il fait pas partie de ma famille, là, John F. Kennedy. Tu sais, j'ai rien à faire avec lui, là. Peu importe qui l'a amené à mourir. C'est quelque chose, c'est sûr, qui est arrivé dans le passé. Mais non, j'ai pas à consacrer de l'énergie pour faire des recherches par rapport à ça, puis de dénouer le mystère. Ben non. J'ai à démystifier en priorité ma propre vie et j'invite les gens à en faire autant par rapport à leur propre existence. Donc, démystifier votre vie d'abord. Et là-dessus, ben, c'est sûr que ça va être le beau de la fin. Donc, je vous dis à bientôt. Et merci encore aux gens qui m'ont fait parvenir une contribution financière au fil des ans. Au revoir.